les rayons de lune trahissent ma présence à quiconque. Une ombre de 15 mètres à la lueur d'un lampadaire. Un King Kong miniature dans la jungle urbaine. Un soir de pluie, un jour, deux semaines de vie avant la peine. Depuis que j'ai entendu que tout se finit tôt ou tard et que la roue tourne et s'arrête qu'une fois, j'ai pris peur, on part si vite qu'on oublie de jouer les marioles un peu plus souvent. Mais le peuple se nourrit d'images, d'irakoutes soudain. Ce monde part de travers comme une balle perdue qui percute la tête d'un innocent dormi sur son traversin. Un miroir nous juge et à travers celui-ci on voit que le filet de fumée que laisse ce missile. Et oui, tout ça se passe ailleurs, alors on s'en branle. Pas de combat ici, seul de belles combines en haut de l'état. Et des milliers de types comme moi sans pouvoir aucun. Seul mon art le tient pour s'indigner malin comme un arlequin. Loin des discours de merde, j'en reste pas moins stérile comme une seringue, c'est terrible. Pour quelques heures t'es libre, alors certains oublie le pire pour pas dire tous. On est 50% aveugle, 50% sourd pour pas dire plus. L'avenir est compromis et moi je suis con, je promets des choses mais c'est pas simple hein. La vie ne fait pas de cadeaux sous le sapin. Je dépose seulement mes peurs pour que d'autres les ouvrent. L'homme est égoïste et je ne suis qu'un homme, je suis beau, je découvre la vie et parfois je trouve ça long. J'use mes bombes surtout quand je me trompe de destination comme Colomb. J'ai voulu cela, j'ai eu ceci et les soucis sont des esclaves. Quand je m'exclame c'est pas pour 6 ou c'est 6 ou 700 mots gratuits, 700 congratule devant une pétale de rose. Cette rose pousse sous la cendre, voilà pourquoi j'étale ma pro. C'est aussi simple que cela, la boucle n'est jamais définitive. Tout sur le courant alternatif de Nikola Tesla. Je change chaque jour de vie, de projets, d'idéaux, des milliers de courts-métrages sur projecteur vidéo. Je suis spectateur du fond de la salle, celui qui part avant la fin. 30 minutes de film et tu entendras mon strapontin se rabattre sur autre chose. Glouton de la vie, je tiens pas en place. J'espère ne pas finir mes jours noyés dans la nuit où le Valentine's, les Badlands se vident. Comme les liens d'amitié se rompent alors pour pêcher les défaites. Je crois que j'ai mis les bons badlines, je suis infirme de la réalité. Je vole à milieu, un gosse qui cache ses défaites comme un poster de ciel bleu dans une chambre sombre. Je veux être un rayon de soleil pour les autres et pas une mare au diable à la George Sand. J'ai même froid de mes rimes, j'ai un cœur de glace, tiens pas en place, je suis de passage comme le détroit de Bering. Arrêtez cette mélodie, elle m'entraîne, je ne sais plus quel chemin prendre. L'étrange impression que le diable se mêle au dieu. Une semaine ou deux pour digérer des échecs d'une seconde, une seconde de choc et je ne suis plus de ce monde. Ce monde qui comme une boule de flipper se cogne dans les murs. On oublie le passé par le rire, mais mûrit-on dans l'erreur. Tous des types de politiciens, la pitié, les vices, l'argent. Je veux changer de planète, je suis un peu litide. Service, téléphone, maison, à l'heure du portable c'est démodé. Alors reste chez toi, ferme ta gueule et elle sert bon qu'il osait. C'est ce qu'on veut nous, c'est crade. L'état nous baise et nous écrase, c'est gros. Et ça guérit mal comme une hydrocéphale. Pour certains, il faut toute une vie pour se rendre compte de la supercherie. D'autres trouveront vite des subterfuges de vie. La drogue, l'alcool, les femmes, les films, l'argent, les armes, des filles devant l'état. Et pas que le 14 juillet.